Vous écoutez France Culture. Troisième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du Portugal et plus exactement de la révolution des œillets au Portugal à l'occasion du 40e anniversaire de son déclenchement. Et alors même que l'émission Sur les docks cet après-midi et demain sur France Culture complétera cette riche programmation autour du Portugal par deux autres documentaires signés Elsa Cornevin et Anne Fleury. Après avoir écouté lundi le témoignage très riche et nuancé du grand homme de théâtre portugais qu'est Luís Miguel Sintra sur les années qui précédèrent justement cette révolution des œillets, et hier, le déclenchement même dans le documentaire d'Elsa Cornevin et Anne Fleury de cette révolution racontée par les capitaines d'avril, les fameux capitaines d'avril, mais également par un journaliste qui les avait suivis à cette époque. Et avant demain, d'écouter le témoignage exclusif de l'ancien Premier ministre et président portugais Mario Soares, recueilli par Elsa Cornevin, Anne Fleury et Jorge Tau il y a quelques semaines à Lisbonne. Eh bien aujourd'hui, nous vous proposons une promenade dans le Lisbonne de cette révolution, mais également le Lisbonne de la répression qui a précédé cette révolution. Car aussi terrible qu'on puisse le penser, eh bien, malgré le 40e anniversaire de cette révolution des œillets au Portugal, eh bien, aucun mémorial en 40 ans, monument à la résistance ou plaque commémorative, n'a indiqué les lieux de la répression dans les villes du Portugal et en particulier dans Lisbonne. C'est ce que raconte cette promenade en compagnie de Manuel Domingos Pedro, de Carlos Machado, d'Irene Pimentel, de Paula Goninho et de Luisa Ezagui. De 1926 à 1974, la dictature sévit au Portugal. Salazar s'attribue les pleins pouvoirs en 1932 et instaure l'Estado Novo, un régime autoritaire dont les fondements sont le catholicisme et l'anticommunisme. La presse est muselée, l'opposition politique est étroitement surveillée et réprimée. La police politique, la PIDE, est partout. Les délations, la peur des arrestations arbitraires, les disparitions, les tortures dans les prisons deviennent des réalités quotidiennes. Cette année, on célèbre le 40e anniversaire de la Révolution des œillets. Pour les jeunes générations, le 25 avril est avant tout un jour férié, éventuellement un événement historique. Pourtant, l'histoire de la Révolution et de la conquête de la liberté ne s'est pas écrite seulement le jour du coup d'État militaire du 25 avril. Elle s'est écrite dans la rue, dans la clandestinité, dans l'exil, dans les mouvements de libération en Afrique, par des milliers d'anonymes qui ont risqué leur vie pour l'avènement de la liberté. Portugal, mémoire d'une révolution. Le 25 avril 1974, le coup d'état militaire des capitaines d'avril met fin à la dictature. Et deux jours plus tard, les prisonniers politiques des centres de détention de Caxias, Peniche et Porto sont libérés. Nous sommes ici aujourd'hui à la forteresse de Peniche, un puissant édifice blanc surgi des mers, autrefois une des prisons politiques les plus redoutables. Nous avons la chance d'être avec vous, capitaine Machado Santos. Autrefois capitaine Machado Santos, vous étiez précisément ici le jour de la libération des prisonniers politiques. Et nous sommes également avec Manuel Domingos Pedro, qui était ici en tant que prisonnier politique le 27 avril. À quel moment est-ce que vous avez vraiment compris que c'était enfin la libération pour vous? Nous soubemos. Nous avons appris à 6 heures de l'après-midi, le 25 avril, qu'un mouvement militaire visant à renverser le régime était en cours. Les forces armées qui ont occupé le fort avaient commencé leurs opérations depuis 6 heures du matin. Lorsque nous avons su la nouvelle, nous avons immédiatement demandé la présence du commandant militaire, car nous n'avions qu'une seule chose en tête, sortir immédiatement en liberté, ce qui a fini par arriver, mais 48 heures plus tard, parce que Spinola a tenté d'empêcher notre libération. Ce jour-là, le 27 avril, il y avait beaucoup de monde qui attendait les prisonniers. Carlos Machado Santos. Il y avait du monde dehors. Nous sommes venus dans une voiture du ministre de la Défense du gouvernement fasciste, avec le chauffeur de l'ancien ministre. Nous étions deux militaires, un commandant de l'armée de terre et moi, capitaine de corvette de la marine portugaise à l'époque, et trois avocats désignés par le général Spinola. Et nous sommes arrivés ici vers 9h30 ou 10h. Il y avait un une porte, une grosse porte, là, dehors. Et on m'a mis, la foule qui attendait la libération des prisonniers, ils ont poussé en air vers l'intérieur. C'était bizarre. C'était les gens des familles, les amis qui attendaient la libération. Il y avait une foule. La libération a commencé vers 11h et ça a terminé à 1h du matin du 27 avril. C'est précisément dans cette salle que s'est déroulée la libération des prisonniers politiques. Et ici, on a établi une sorte de tribunal, puisque le général Spinola m'a donné des ordres précises de ne pas libérer les prisonniers qui avaient des crimes d'homicide, puisqu'il y en avait, et falsification de documents. Et ça correspondait à combien de personnes? Avec la falsification du document, presque tous. Bien. Puisque s'ils étaient dans la clandestinité, ils avaient besoin d'avoir des cartes d'identité, des pièces, tout cela. Mais le principal, c'était 4 détenus qui avaient des crimes de sang, disons, des homicides. Bien, Spinola était un général qui a été choisi par une partie du mouvement des forces armées pour être, disons, le président de la République ou le président de la Junte de Libération Nationale. Et Spinola ne voulait pas du tout libérer ces gens-là. Il a envoyé 3 maîtres de sa confiance. C'était un peu gênant pour moi, mais les maîtres voulaient voir tous les processus d'un côté à l'autre. J'ai dit, messieurs, pas question, on est là pour libérer les prisonniers politiques, laissez tomber les processus, c'est moi qui juge ici, c'est moi le président de ce tribunal, si on peut l'appeler de ça. Mais, de quelque façon, ces 4 prisonniers qui avaient commis des crimes d'homicide, disons, ils avaient là son avocat. Et ce maître-là m'a proposé qu'il sortisse sous sa responsabilité, disons. Et j'ai dit, oui, très bien. Le lendemain, on verra. Les prisonniers sont tous sortis. C'est fini après minuit déjà, c'était 1h du matin du 27. Et on est parti sur Lisbonne. Le lendemain, Spinola n'était pas là. Était l'amiral Rosa Cotting, dont j'étais ami. Je lui ai dit, amiral, il y a ce petit pépin-là. Avec, oh, ça marche beaucoup plus vite que nous pensions. Et arracher le terme de responsabilité. Non, les hommes, pas de problème, sont libérés, sans problème. C'est bien passé. On continue alors la visite de cette forteresse qui était autrefois la prison politique. Pour voir les cellules. Exactement. Ces 3 salles sont parmi les pires lieux que j'ai connus à Péniche. Maintenant, tout a complètement changé. Là, c'était les sanitaires. Ici, un couloir. Et là-bas, il y avait des grilles. Il y avait 6 lits dans chaque cellule et les vitres des fenêtres étaient peintes en blanc. Nous avons été transférés avec 42 camarades des prisons de Caxias et d'Aljoub. À mon arrivée, j'étais très malade. Je pesais 50 kilos. J'étais vraiment très malade. Nous sommes arrivés ici un 19 mars, le jour de la fête des pères. À l'époque, j'étais déjà père de 2 petites filles. C'était donc le mois de mars, le printemps. Et pourtant, on avait froid. On avait tellement froid. Le 1er mai arrive, journée des travailleurs. C'était une date qu'il était interdit de fêter au Portugal. Mais nous, les prisonniers politiques, nous mettions un point d'honneur à n'avoir aucune activité ce jour-là. Nous avons demandé à ce qu'on nous apporte nos vêtements, notre costume, on mettait une cravate. car ce jour-là, nous organisions clandestinement des petites conférences sur le 1er mai dans nos cellules. Mais quand le gardien est venu nous apporter nos vêtements, on s'est aperçu qu'ils étaient tout couverts de moisies. Nous étions arrivés un 19 mars et 6 semaines plus tard, tous nos vêtements étaient moisis. À partir de là, on a compris pourquoi nous ressentions tellement de froid et d'humidité à l'intérieur. C'est d'autant plus impressionnant ce que vous nous racontez qu'on est dans des salles qui n'ont strictement rien à voir avec ce que vous nous dites. Là, précisément, il y a une exposition sur les méthodes de pêche hein, dans ces salles. Là, on voit des filets, on voit des objets de mesure, des ancres en bois. Mais l'une des premières choses qui a été faite ici a été justement de cacher les aspects les plus humiliants, les plus sordides qui existaient dans cette prison, qui était dirigée par la PIDE, la police politique, et donc par les gouvernements fascistes de Salazar et de Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, lorsqu'il succède à Salazar, devient président du Conseil des ministres et lance une politique soi-disant d'ouverture, le printemps marseillaise. Eh bien, je peux vous dire qu'en ce qui concerne les tortures des prisonniers politiques et les persécutions faites aux partis qui existaient à l'époque, et notamment au Parti communiste portugais, je peux vous dire que les tortures qui étaient pratiquées à l'époque étaient absolument barbares, des plus barbares que je connaisse. Alors j'ai tout de même connu la torture aussi bien du temps de Salazar que de Marcelo, mais la dernière fois, quand j'ai été détenu en 1969, je peux vous dire que les tortures étaient terribles. Ce n'est même pas la peine d'en parler. Bien, ici, c'est la seule partie qui est restée des cellules, de la partie comme prison politique. Ils ont conservé cette allée. Là, on est devant un panneau qui reproduit une fiche d'un prisonnier politique qui s'appelle Saul Gonçalves et qui donc a été transféré dans le camp de concentration de Terrafal. C'est un dirigeant syndical qui a été tellement torturé que lorsqu'il est arrivé à Terrafal, au Cap-Vert, il était devenu à moitié fou. Vous êtes resté ici combien de temps incarcéré ? À peine 5 ans. Au total, j'ai passé 11 ans de ma vie en prison et j'ai connu toutes les prisons. Je suis sorti avec la Révolution. Et c'est le commandant qui a présidé le tribunal qui m'a libéré, moi et l'ensemble des autres camarades prisonniers. Pourquoi est-ce que vous avez été arrêté et incarcéré ? Parce que je suis communiste, j'étais communiste. Parce que je suis communiste depuis 60 ans, j'ai 82 ans. J'ai été dirigeant du parti jusqu'à ce que mon âge ne me permette plus d'exercer ces fonctions. Mais je suis encore aujourd'hui permanent du parti. Donc là, ce dernier étage, il y a quand même des panneaux indiquant cette fuite mémorable. 10 personnes qui se sont évadées le 3 janvier 1960. Et dans cette évasion spectaculaire, il y avait Álvaro Cunhal, qui est devenu après le secrétaire général du Parti communiste portugais. Et cette fameuse fuite de péniche, en fait, est partie d'ici, exactement. Ils ont maîtrisé le gardien, ils ont mis un an à préparer cette évasion. La sécurité du fort était assurée par 50 gardes nationaux républicains qui contrôlaient les entrées et les sorties. Il y avait également 50 gardiens de prison. Mais cette évasion a pu compter sur l'aide d'un des gardes républicains. Dans cette prison, il y avait essentiellement des prisonniers qui étaient communistes, mais il y avait aussi d'autres mouvances politiques. Il y avait des catholiques progressistes, mais c'était une minorité au sein des catholiques qui ont participé à la lutte antifasciste. Parmi les détenus, il y avait également des membres du mouvement pour la libération de l'Angola. Et puis, il y avait également d'autres prisonniers qui ont appartenu à des groupes qui ont surgi 2-3 ans avant le 25 avril, comme la Loire. C'était des dissidents ou écartés du Parti communiste qui sont constitués en petits groupes gauchistes. Juste après le 25 avril, on m'a laissé une tâche pas très agréable. C'était de récupérer les pièces d'identité et tout cela, et de récupérer les anciens prisonniers politiques vers la société. Et trois personnes sont venues me voir pour demander où étaient leurs parents. Les prisons avaient été ouvertes et n'ont pas apparu. Je suis allé voir le directeur général de l'archive d'identification. Et curieusement, les feuilles étaient arrachées, elles n'étaient pas là. Et c'est, alors, monsieur, qu'il se passe ici, ça, vous savez, commandant, parfois vient, la police politique vient ici, vous permettez. Ils viennent avec le permis du ministre de l'Intérieur, et on les laisse, et ils arrachaient les feuilles, tout simplement, des gens qu'il avait éliminés. C'était quelque chose de terrible, incroyable. Polícia Internacional e de Defesa do Estado, organização clandestina. Cadeia de Cagias, cadeia do Aljube, rebelião armada. Alteração da Constituição, atividades contra a segurança do Estado. Em regime de isolamento contínuo. Alors là, Irène, on se trouve actuellement aux Archives nationales, en plein cœur de Lisbonne. Il y a des archives de toutes sortes, dont les archives de la PID, de la police politique, c'est ça? Exactement. Ici, on a les archives de l'Inquisition, par exemple. Et puis, on a les plus récents, qui sont l'archive Salazar, c'était l'archive du dictateur lui-même, et les archives de la police politique. Ce sont des archives très sensibles. C'est des personnes qui peuvent vivre encore, qui ont été en prison. Mais surtout, ces archives sont très sensibles parce que l'instruction des procès était faite par la police politique, pas par des juges. Et c'était fait à travers la torture et les violences. Donc, beaucoup de prisonniers politiques ce qu'on disait avant, on parlait. Et à un moment donné, on frappait plus. On savait très bien que ça avait comme résultat une plus grande résistance des prisonniers. Une opposition, exactement. Donc, ils ont très bien compris ce qu'ils faisaient. Ils avaient tout le temps du monde. C'était surtout la torture du sommeil. Et cette torture du sommeil, c'est-à-dire on privait les gens de dormir, au bout de quelques jours, les personnes n'étaient plus dans la situation réelle. Je ne sais pas comment on peut dire. Ils avaient des hallucinations très typiques. Et des fois, ils n'étaient plus conscients. Donc, c'est des tortures très efficaces. Vous, Irène, en tant qu'historienne, vous êtes venue beaucoup de nombreuses fois ici. Oui, exactement. Même il y avait un côté comique, parce que les personnes qui donnaient les procès, que j'étais en train d'analyser, ils disaient « La madame de Lapide ». Et alors moi, j'ai dit « Je ne suis pas de Lapide ». Mais quelquefois, les autres lecteurs, ils regardaient qui était la madame de Lapide. Il y a eu un moment, c'était très intéressant, où on avait les historiens, des anciens prisonniers politiques. Et les éléments de Lapide venaient aussi ici. Ils allaient chercher un affidavit, c'est pas comment un certificat, qu'ils avaient été fonctionnaires de la police politique. Et il y a eu quelquefois des petits problèmes. Ce que j'ai surtout assisté, c'est la forme presque incrédule comme certains prisonniers politiques ont regardé leur procès. Il y a deux types de réactions. Une réaction qu'ils riaient, parce qu'ils inventaient aussi des choses, la police. Ou alors, ils étaient complètement effondrés parce qu'ils étaient en train de dire « Mais qui était ce mec qui habitait à côté de moi et qui m'a dénoncé ?» Et encore aujourd'hui, on ne sait pas qui sont ces mecs, parce qu'une des choses qu'on ne peut pas consulter ici, c'est les listes d'informateurs. Et aussi, dans un procès, quand il y a une dénonciation d'une personne, on ne peut pas voir le nom. C'est-à-dire que les archives ici mettent une photocopie et puis après font une nouvelle photocopie et on a le nom en blanc. Les historiens sont très contre ça, et même les anciens prisonniers politiques, parce qu'on dit, en fait, on montre les procès des prisonniers politiques et après on défend l'honorabilité des informateurs. Bien sûr, c'est compliqué pour un fils qui n'a jamais su ça ou quelque chose comme ça. Ça s'est passé en RDA, dans la République démocratique allemande, et après ils ont refermé. Mais ici, je pense, 40 ans après, c'est déjà le moment de commencer à montrer. Parce que sinon, on ne fera jamais, je pense que c'est déjà difficile de faire, savoir combien d'informateurs il y avait au Portugal. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent 1 sur 3 Portugais était un informateur. Je pense que c'est impossible, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup. Donc il y a eu une cohabitation après entre les ex-agents de la police politique et les gens qui ont été victimes de la répression. C'est une histoire que je suis en train d'étudier maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces gens de la police politique? Donc on peut dire que les individus de la PIDE qui sont le 26 et le 27 sont allés à la maison, peu de temps après, où ils ont été arrêtés. Ou alors ils se sont présentés aux forces armées par peur de lynchage, par exemple. Quelques-uns sont allés au tribunal et ont été condamnés à des peines qui étaient à peu près la peine de la prison préventive qu'ils avaient souffert. Dans des cas qui avaient torturé, dans d'autres cas qui avaient tué. C'est évident qu'ils ont été très peu criminalisés. Il y a cette fameuse chanson de Fernando Tordo, Fado do Encuentro. Exactement. Par exemple, le Fado do Encuentro, c'était une prison hors de Lisbonne où étaient, je crois, que à peu près 400 éléments de la police politique en prison. Et un beau jour, ils se sont tous enfuis. Ce fado, c'est un fado satire qui montre qu'il y a des personnes, ils ne disent pas qui sont, des réacs. Ils disent des réassins qui ont mis les escaliers, etc., dans les fenêtres pour qu'ils se... Et c'est vrai qu'ils ont été libérés. Quand après aussi la police politique dans les colonies a été extincte, beaucoup sont devenus mercenaires pour les forces de l'Afrique du Sud, de la Rhodésie. Beaucoup se sont enfuis pour l'Espagne. Parce qu'à côté, on était encore en dictature qui les protégeait. Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andam mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. Os pides desceram pela corda alegremente. Os guardas andavam passeando em Alcoentre. E a esquerda levou com mais um corno pela frente. Esta maldade não se faz à gente. Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andam mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. Alors ça y est, Irène, on s'est engagé dans la rue Antonio Maria Cardoso. Exactement, c'est une rue maudite. D'ailleurs, elle commence par un théâtre, qui est un théâtre déjà du 19e siècle, qui est très bien. C'est à Saint-Louis ? Saint-Louis. Uh-huh. Mais tout de suite à côté, il y avait le siège de la police politique. Alors les gens, normalement, faisaient tout pour ne pas devoir traverser cette rue. Ou parce qu'ils avaient peur, ou alors pour les opposants, évidemment, qui ont ici beaucoup souffert, parce que surtout au troisième étage, c'était le troisième étage où étaient les salles d'interrogatoire. Et dans ce troisième étage, bon, beaucoup de choses se sont passées. Le bâtiment de la police politique de la PIDE se trouve vraiment en face du Taj. On est en plein centre-ville, on est à quelques pas du Largo do Carmo. Il y a le tramway 28 qui passe également dans la rue. C'est le tramway qui est ici, vraiment le tramway touristique. Mais il n'y a pas d'arrêt dans cette rue, donc il fait juste que passer. Alors on voit une voiture sortir, on voit des gens qui sont devant la porte. C'est les gens qui habitent ici. Moi, je n'habiterai jamais ici. Oui, comment c'est possible de... Bah, ça, je ne comprends pas. Pas savoir, il y a une... Mais ils savent très bien. Et je ne suis pas... Je ne sacralise pas. Je ne dis pas que les fantômes sont ici, mais il y a quand même la mémoire qui est ici. Et on aurait dû faire quelque chose d'amusé, mais maintenant, c'est un condominium de luxe. C'est drôle. Ouais. Et sur cette plaque, il écrit quoi? Alors, on peut se rapprocher? Oui. Pour... C'est même pas une plaque qui dit que ça a été un endroit de torture et de répression, etc. Elle dit... Bon, ici, dans la matinée du 25 avril de 1974, la PIDE a ouvert feu sur le peuple de Lisbonne et a tué, et puis c'est les noms de Berneto, Fernando Barreiros dos Reis et José Guilherme Arruda et Fernando Gé Esteira. Il y a eu 4. Et la dernière ligne est... C'est un hommage d'un groupe de citoyens, donc ce n'est pas quelque chose de l'État. C'est le seul endroit où il y a eu des morts dans le coup d'État. Beaucoup de manifestants jeunes sont venus ici et ont crié « mort à Lapide, mort à Lapide ». Et les policiers des fenêtres ont commencé à tirer. Ce n'était pas encore pris par les militaires, justement. Il a été seulement pris à 9h du 26 avril. Le siège de Lapide. Le siège de Lapide. Alors il y a eu beaucoup de blessés et surtout il y a eu ces 4 morts. Et l'autre épisode, c'était le chef du service du département d'information, Pereira Carvalho, qui pendant ces jours et demi que les militaires ne sont pas entrés, il a brûlé beaucoup de listes d'informateurs. Il savait que ça, c'était les premiers qui allaient être pris. Parce que c'était les traîtres qui étaient au milieu des personnes. Le chef de la PITS, Silva Paes, le chef suprême de la PITS qui était ici, il est resté jusqu'au 26 à l'intérieur. Le 26 au soir, il est allé chez lui. Et seulement quelques jours après, alors les forces armées l'ont arrêté. Il y a beaucoup de grandes figures du salazarisme, comme ça, du régime, qui ont après eu une vie tranquille au Portugal. Oui, la majorité, beaucoup se sont enfuis. Le président du conseil de ministres, le chef du gouvernement, il a été à Madeira, sous protection militaire du mouvement des forces armées, et le président de la République, de même. Les ministres de l'Intérieur n'ont même pas été emprisonnés. Ceux-là ont été à Madeira dans un hôtel de luxe, mais enfin, ils ne pouvaient pas sortir, en attendant ce qu'on allait faire d'eux. Et après, ils sont partis au Brésil. Le président de la République est revenu au Portugal des années après. Marcelo Caetano, qui était le dictateur, le chef du gouvernement, lui, il est mort au Brésil. Mais il n'a plus jamais voulu retourner. Il a dit qu'il ne retournait pas dans ce manicomium, comment on dit, cette place de fou qui était devenue le Portugal. Donc les gens qui ont été victimes de la répression pendant des années, qui ont été victimes de torture, évoquent maintenant avec plus de facilité, peut-être face aussi au temps qui passe. Les plus jeunes, en ce moment, ont 60 et quelques. Ouais, ils sont dans les 60. Il remarque que les jeunes aujourd'hui ne savent absolument rien de ça. Donc, ils sentent cette responsabilité de laisser quelque chose. Et je connais quelques-uns qui, par exemple, considèrent que leur objectif de vie, en ce moment, c'est pour ça. Par exemple, une femme que je connais, qui n'avait jamais raconté auparavant. Elle était très jeune, elle était de l'extrême gauche, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Elle n'a pas parlé en plus, c'était vraiment quelque chose de... Et elle n'a jamais raconté. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école. Aurora Rodriguez, merci beaucoup de nous recevoir ici au département d'investigation et d'action pénale, où vous travaillez depuis donc plus d'une dizaine d'années. À 20 ans, vous vous engagez aux côtés du MRPP. Quel a été votre parcours personnel et politique ? Quand foi o 25 de abril? Le 25 avril, j'avais 22 ans. Autrement dit, j'ai passé une bonne partie de ma vie, de ma jeunesse, sous la dictature. Je suis entrée à l'université, à la faculté de droit de Lisbonne, à 17 ans. À l'époque, la guerre dans les colonies représentait pour nous le problème essentiel. Je faisais partie du mouvement associatif étudiant, oser lutter, oser vaincre. Et le 12 octobre 1972, lors d'un meeting étudiant contre la répression et la guerre coloniale, organisé à la faculté d'économie, Lapide a assassiné mon José Antonio Rimero Santos, qui était étudiant en droit, un jeune qui appartenait à la même organisation que moi. Et j'ai tout vu. J'étais là au moment de l'assassinat. À partir de là, ma vie a basculé. J'ai adhéré au parti auquel il appartenait, le MRPP, qui correspondait déjà à mon orientation politique dans le milieu étudiant. Je savais que je pouvais être arrêtée à tout moment. J'ai fini par être arrêtée d'une façon complètement idiote. Il y avait une manifestation près de la fac de lettres à Lisbonne. Et la police a chargé. Nous nous sommes enfuis et je me suis réfugiée à l'arrière de la fac de lettres, dans une sorte de terrain vague qui n'avait qu'une seule issue. La police nous accueillit sans la moindre difficulté. J'ai été arrêtée avec 21 autres personnes. Nous avons tous été emmenés à la prison de Caxias. Mais je n'ai jamais revu aucune des personnes qui avaient été arrêtées avec moi. Et le lendemain, ils m'ont amenée chez le médecin. Mais le médecin en prison avait pour fonction d'accompagner la torture. Il évaluait la résistance des personnes, leur état de santé, jusqu'à quel point elles pouvaient être torturées. Le médecin collaborait donc directement avec les tortionnaires. J'avais pris plusieurs résolutions. Je m'étais préparée psychologiquement à ne pas avoir peur, ou plutôt à tout faire pour dépasser la peur que je ressentais. Et j'en ressentais beaucoup. Je pense d'ailleurs que tous les prisonniers ont cet objectif de ne pas céder. Car je savais une chose, si je ne résistais pas et que je me mettais à parler, d'autres seraient arrêtés à leur tour. Je voyais leur visage devant moi et c'est ce qui me faisait tenir. J'ai subi la torture de la privation du sommeil par phases successives, 24 heures sur 24, pendant 16 jours. 16 périodes de 24 heures, donc. Certaines expressions revenaient souvent. L'une d'elles consistait à savoir si je demeurais fidèle au mot d'ordre du parti. De manière récurrente, on me menaçait en me disant « Soit tu parles, soit tu meurs, soit tu deviens folle. » Alors, pour tenir, souvent, je me mettais à chanter. Ça les rendait dingues. Ça les mettait hors d'eux. J'avais quelques chansons dans la tête, dont une de Zé Mário Branco. Celle du soldadinho, le petit soldat. Et je chantais. Je chantais à voix basse, car je n'ai jamais su chanter, mais je chantais. Je me chantais à moi-même, comme s'il n'était pas là. Et c'était pour moi une forme de liberté. À partir d'un certain moment, et après m'avoir roué de coups, ils ont eu recours à un inspecteur de la PIDE qui s'appelait Oscar Cardoso. Le plus curieux, c'est que cet inspecteur de la PIDE, longtemps après le 25 avril, a été invité plusieurs fois à la télévision. Et on s'adressait à lui en lui servant du « Monsieur l'inspecteur ». Un bulletin officiel de la République a même remercié cet inspecteur de la PIDE, Oscar Cardoso, en lui accordant une pension à vie pour les bons et loyaux services rendus à la patrie. Mais ça s'est passé en 1992. Et cet agent, Oscar Cardoso, il me décrivait dans les détails les tortures qu'il faisait subir. C'est d'ailleurs le seul tortionnaire assumé que j'ai connu. Au cours des tortures, les provocations, les railleries continuaient sans fin. Dans cette phase où je commençais à perdre l'équilibre, ce qui me torturait m'encourageait à résister encore, quelques jours, encore deux jours, ce que je pouvais, pour battre le record, car le record était de Francisco Miguel. Il y avait une façon, surtout dans cette phase finale, j'ai compris, qu'ils ne voulaient plus rien savoir, ils ne voulaient même plus de nom. Ils voulaient juste me briser. Era uma vez soldadinho. de chumbo não era como era o soldadinho, um menino lindo que nasceu no roseirão. Um menino lindo não nasceu para fazer mal. Est-ce qu'il y a eu pour autant une reconnaissance de vos années de lutte, de vos années d'emprisonnement par l'État portugais? Je pense que l'État portugais a failli à ses obligations dès le début. Il a failli dans son devoir de reconnaissance. Quand il n'a pas jugé ceux qui avaient torturé, quand il les a libérés, quand il les a réintégrés dans la fonction publique, quand il leur a payé des salaires avec effet rétroactif, correspondant aux années où ils ont été privés de leur droit de travailler dans la fonction publique. Pour nous, il n'y a pas eu de reconnaissance d'aucune sorte. Très sincèrement, je n'ai jamais demandé aucune indemnisation, bien que je pense que j'y ai droit, moi et tous ceux qui ont vécu la même chose. Mais ce n'est pas de cette reconnaissance-là dont je parle. Je parle avant tout de la reconnaissance de la souffrance qu'on a subie. Après le 25 avril, il y a eu, dès le début, un travail essentiel qui n'a pas été fait. Ils auraient dû convoquer tous ceux qui avaient été faits prisonniers, mais tous, pour qu'ils racontent ce qui leur était arrivé et qui les avait torturés. Ça aurait été une manière de raconter véritablement l'histoire. Moi, par exemple, j'ai été emprisonnée peu de temps avant le 25 avril et je n'ai jamais été appelée pour reconnaître un agent de la police politique ou pour témoigner dans le cadre de procès qui n'ont pas eu lieu. Très peu ont été jugés. Et quand j'y pense, je ressens de la tristesse. Une très grande tristesse même. Il s'agit d'une blessure. Je dirais même d'une blessure nationale. C'est une question qui n'a jamais été résolue au Portugal. Qui aurait dû l'être ? Paola Godinho, bonjour. Vous êtes professeure au département d'anthropologie de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Vous travaillez plus particulièrement la question de la mémoire des mouvements sociaux et de la résistance. On parle souvent d'une relative méconnaissance de l'histoire récente du Portugal de la part des jeunes générations. Est-ce que vous avez ce sentiment-là également ? Vous savez, la mémoire, c'est toujours recueillie dans le présent. Ici, comme dans l'Europe, dans toute l'Europe à ce moment-là, nous devons nous préoccuper à propos de l'escalade du fascisme. Et je crois que c'est très important d'avoir une mémoire de ce qui a été la dictature portugaise, par exemple. C'est 48 ans de dictature. 48 ans, imaginez. Nous avons 40 ans de démocratie. Et nous avons, 48 ans de fascisme. Maintenant, dans la crise actuelle, on parle beaucoup d'un format consensualisé à propos du dictateur. Ah, mais le dictateur, oui, il a réprimé beaucoup les personnes, mais peut-être il ne savait pas les choses que la police politique faisait. Oui, les dictateurs, on n'a pas de la liberté de presse, par exemple, mais nous n'avons pas rentré dans la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'est très bon. Salazar, oui, il a beaucoup de problèmes, mais on a beaucoup d'argent dans le Banque du Portugal. Et maintenant, on n'a rien, on a de la Troïka. Comme on regarde le passé à partir du présent, et le présent portugais, dans l'actualité, c'est un présent terrible. Ce qui s'est passé pour les jeunes générations qui n'ont pas chez eux quelqu'un qui peut le parler de ce qu'était la dictature, peut-être, il y a 40 ans, on vivait mieux. Même si la dictature a détenu des personnes jusqu'au 24 avril. Ces personnes qui ont passé 12, 14, 15 ans de sévi dans la prison politique, ces personnes qui ont combattu la dictature, elles sont très vieilles. Et elles meurent sans avoir une compensation pour ces années de combat contre la dictature, sans lesquelles nous n'aurons une société démocratique. Et j'ai vu récemment un film de Patricio Guzman à propos de Chili, à propos de la dictature de Pinochet. Et dans ce film qui s'appelle « Nostalgie de la Luce », il y a une femme qui disait « Nous sommes la lèpre de Chili, de la mémoire de Chili. » Et le pouvoir actuel veut que nous disparaissions comme la lèpre, comme les parts du corps qui disparaissent, pour avoir en Chili sans une mémoire si négative. Quand j'ai vu cette femme qui parle de la lèpre, j'ai pensé au cas portugais. Et j'ai pensé si, dans les couloirs du pouvoir, si on attend que la mémoire de la dictature peut disparaître sans laisser rien. La lèpre, c'est une très forte image, je crois. Grandola Villa Morena, terre de fraternité, c'est le peuple qui ordonne. Nous sommes ici en ce moment à l'Assemblée de la République, où un hommage vient d'être rendu ce matin aux avocats des prisonniers politiques sous la dictature, organisé par le mouvement citoyen Non Apaguem a Memoria, n'effacez pas les mémoires. Alors que s'achève la séance, certaines voix murmurent les premières paroles de Grandola Villa Morena. Et très vite, ce chant, qui a servi de signal à la révolution des œillets, est repris en chœur par l'Assemblée. L'hémicycle est plein. Au centre de la table des invités, il y a un bouquet d'œillets rouges, le symbole de la révolution et de la liberté. Des anciens avocats de prisonniers politiques, parmi lesquels le précédent président de la République, Georges Sampaio, mais aussi des anciens prisonniers politiques, leurs familles et amis, sont venus participer à cette initiative. Nous retrouvons à cette occasion l'historienne Irène Pimentel et Lucia Ezagui. Lucia Ezagui, vous avez fondé le mouvement citoyen Non Apaguem a Memoria, n'effacez pas les mémoires. Il existe, ça veut dire qu'il existe vraiment une volonté d'effacer les mémoires ici au Portugal ? Oui, je crois que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment au Portugal une politique de la mémoire, n'est-ce pas ? Et nous avons toujours pensé qu'il y avait un devoir de mémoire de la part des pouvoirs publics, que ce soit au niveau central ou même local. Et donc ce mouvement a été fondé par un groupe de citoyennes et de citoyens qui, le 5 octobre 2005, ont protesté parce qu'ils étaient indignés que l'un des bastions de la répression fasciste, qui était l'ancien siège de la police politique à Lisbonne, avait été transformé dans un immeuble de luxe sans qu'on ait, disons, le soin de faire la moindre référence au rôle de ce bâtiment pendant le fascisme au Portugal. Et c'est à partir de là que ce groupe a donc décidé de se constituer en tant que mouvement civique, ouvert, démocratique, pour la sauvegarde, l'investigation et la diffusion de la mémoire historique. Alors, vous, Irène Pimentel, on a eu l'occasion de vous entendre ce matin. Et à un moment donné, lors de son intervention, Georges Sampaio a parlé de branqueamento das memórias, blanchiment des mémoires. Il y a un blanchissement de la mémoire, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, la société civile portugaise, vit un présent immédiat, n'a rien à voir avec le passé. Il vit dans le présent. Mais évidemment, il y a aussi parmi certains intellectuels, parmi certains historiens, une volonté de blanchir cette mémoire. Il y a une tendance pour dire que la dictature n'était pas tellement mauvaise, qu'à la fin de la dictature, le Portugal était en train d'avoir une croissance économique et que le problème, ça a été la révolution qui a arrêté ce processus absolument glorieux avec beaucoup de guillemets et qui, par exemple, n'ont aucun intérêt à parler de la répression des prisonniers politiques, des jugements dans ces tribunaux spéciaux, des tortures, etc. Et est-ce qu'il existe au Portugal des lieux de mémoire de la résistance antifasciste ? Il y a des lieux, mais ils ne sont pas signalisés. Parce qu'il y a quelque chose un peu bizarre au Portugal, c'est que parfois ces lieux de mémoire risquent de devenir des hôtels de charme. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas ? On parlait récemment du fort, de l'ancienne fortification militaire de Peniche, et justement, il y avait un projet de transformer cette fortification dans un hôtel de charme. Alors, des gens comme nous, de ma génération, nous avons des mémoires affectives, parce que nous avons vécu directement les événements. Souvent des mémoires affectives très douloureuses, parce que des amis, des familiaux ont été torturés et emprisonnés, et même ont été tués par la police politique du régime. Mais les nouvelles générations, qui sont nées déjà avec la démocratie, s'il n'y a pas une véritable pédagogie active de ce qu'a été vraiment ces moments, on risque de les oublier. Exactement. Parce que les manuels scolaires, si vous les analysez, vous rendez compte qu'ils parlent très très peu de ce qu'a été cette période sinistre de presque un demi-siècle au Portugal. Pour vous donner un exemple, il n'y a que 11 lignes sur le rôle de la police politique au Portugal. 11 lignes. Oui. Et donc, bon, c'est un exemple concret. Donc, c'est pour ça que le mouvement s'est chargé depuis quelque temps de signaliser ces lieux de mémoire, notamment le bâtiment qui a servi de siège à la police politique a été, il y a quelques années, signalisé avec une petite plaque. Mais c'est vrai que cette plaque est très peu visible, hein. C'est un peu ton sur ton. Faut vraiment s'approcher pour essayer de comprendre ce que c'est. Ça. Vous vous rendez compte de la difficulté de cette lutte au Portugal? Ça a été très difficile de réussir à avoir une plaque et on n'était pas du tout contents puisque ça a été fait par la mairie de Lisbonne. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une plaque qu'on voit à peine. C'est comme si on sentait honte de ce passé. Exactement. Et on n'était pas fiers de toute façon de dire voilà, ça a fonctionné, mais ça s'est terminé par une victoire. C'est-à-dire le sacrifice de tant de Portugaises et tant de Portugais a valu la peine parce qu'ils ont réussi à constituer un état de droit et une démocratie. Mais les questions des lieux de mémoire, c'est très important. On va avoir, pour fêter les 40 ans du 25 avril, Aljoub qui va ouvrir l'année prochaine. Alors Aljoub, c'est quoi? Aljoub, ça a été une prison politique depuis la fin du siècle XIX, mais surtout une prison politique à partir des années 30. Qui a été fermée à cause des mauvaises conditions. Au dernier étage de cette prison, il y avait des endroits très, très étroits, plus exactement de 2 mètres par 1 mètre, où les gens étaient placés, parfois pendant des semaines, sans lumière. Ça pouvait aller jusqu'à 6 mois. Ça pouvait aller jusqu'à 6 mois, vous rendez compte? Et Edmundo Pedro, que vous avez connu, l'un des plus grands résistants portugais, a été pendant des mois dans ces courges qui ont été uniquement détruites en 72. Dans la phase du régime, disons, le régime était davantage affaibli par rapport à la grande période répressive du temps de Salazar. Et justement, l'une des premières actions que nous avons menées, c'est de dire c'est impensable qu'un pays comme le Portugal n'ait pas un musée, lieu de mémoire de la résistance, comme la France ou comme l'Allemagne. C'est pour ça que déjà en 2006, c'est-à-dire quelques mois après la constitution de notre mouvement, nous avons fait une action publique devant Aljoub avec 200 personnes, beaucoup d'entre eux des anciens prisonniers politiques et leurs familles, pour exiger le devoir de mémoire de l'État et la transformation de cette prison en musée. Et à première vue, des travaux sont en cours pour que le musée soit inauguré, sinon cette année, peut-être dans les années prochaines. Alors, pourquoi avoir choisi de rendre cet hommage dans ce lieu qu'est l'Assemblée de la République ? Parce qu'ici, c'est la maison du peuple, n'est-ce pas ? C'est le Parlement. Et donc, quoi de mieux, justement, pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté et pour un état de droit que de la faire dans cette maison. Mais il y a eu des critiques sur ça. Il y a des personnes qui ne sont pas venues, qui auraient dû venir, qui normalement vont dans les activités du mouvement, qui ont estimé qu'en ce moment, on ne vit plus en démocratie, et donc que l'endroit a été très mal choisi, parce qu'on n'est en ce moment pas un pays souverain, on est un pays qui est en assistance de la nommée Troïka, la Troïka, qui dirige vraiment le gouvernement du pays, et avec un gouvernement qui va par-delà de la Troïka. Nous sommes obligés de suivre une politique qui est pour une large partie dictée par nos créanciers, le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque européenne. Mais le problème, c'est que si on dit déjà qu'on est en pleine dictature et en plein fascisme, comme beaucoup de gens disent déjà, alors on ne profite pas qu'en ce moment on a encore des élections, il y a encore une liberté d'expression. Parce que moi j'ai vécu la dictature, toi aussi, on n'aurait jamais pu être en ce moment ici, parler des tribunaux, de la police politique et des tortures. Au contraire, je pense qu'on doit occuper ces endroits démocratiquement et ne pas laisser qu'ils soient occupés par d'autres qui veulent terminer avec la démocratie. Je pense que ce péril, il est là, très très prochain, mais on peut encore lutter contre ça et on ne va pas en prison encore. J'aimerais-tu Catherine, ou l'intège, je vis une estée. J'aimerais-tu Catherine, ou l'intège, je vis une estée. Serais-tu vide de la vie, valais-tu la vie bourrée. C'était Portugal, mémoire d'une révolution, avec la participation de Carlos Machado Santos, Manuel Domingos Pedro, Irène Pimentel, Aurora Rodrigues, Paola Goudinho et Lucia Izagui. Traduction lue par Didier Doué et Amélie Jallier. Remerciements Pedro Cerejo, Emmanuel Boulois, Françoise Cabane, Margarida Silva, Patricia Roman, Ana Rodrigues, Paulo Tremocero, Elder Costa, Elena Pato, Antonio José Correa, Joaquim Meireles, Joana Cabral, João Baia et João Pimentel. Remerciements également aux équipes de la Fortaleza des Péniches, des Archives nationales de la Torre do Tombo et de l'Assemblée de la République. Prise de son, Georges Tau, Jaizan Taous. Mixage, Clotilde Thomas. Réalisation, Anne Fleury. Un documentaire d'Elsa Cornevin. Si vous vous intéressez donc à cette histoire du Portugal, n'hésitez pas à écouter également ce soir et demain l'émission sur les docs sur France Culture qui traitera de cette question-là, avec ce soir un portrait d'un grand chanteur portugais et puis demain un documentaire sur le Portugal d'aujourd'hui. Demain, nous poursuivrons nous également notre programmation sur ce Portugal en écoutant le témoignage exclusif de Mario Soares, ancien Premier ministre et ancien président portugais, commenté par un historien spécialiste du Portugal, Yves Léonard. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit et également laisser vos commentaires sur notre site ou sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.